aucun panneau n'interdit l'arrêt ou le stationnement. Mais il y a cette ligne qui interdit le stationnement à droite le long du trottoir et bien sûr sur le trottoir. Mais seulement le stationnement. La ligne qui interdit le stationnement et l'arrêt est continue. L'arrêt est donc autorisé. Réponse A et D.